et vous établiront dans le pays après eux. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace.